Je ne savais pas qui aller voir pour me lancer dans la musique. Faut bien commencer quelque part. Je me suis pointé aux acédiques. J'aborde la madame du guichet avec un sourire engageant. Elle me dit: pour prendre un ticket, vous êtes le numéro 200. Je me cale le cul dans un fauteuil. Je fais mine de lire les dépliants. Comme on est 30 à faire pareil, on a l'air con tous en même temps. J'en vois un ou deux qui sourit. Les acédiques, vous connaissez. Au bout d'une heure, une heure et demie, j'ai enfin vu un conseiller. Je lui fais part de mes projets et de l'état de mon compte en banque. Est-ce que par hasard il pourrait aider un pauvre saltimbanque? Il eût fallu que je le suce, mais le chômage pour y avoir le droit. Faut travailler en plus, faut cotiser pendant des mois. Monsieur, pour les allocations, il suffit pas d'être musicien, mais repasser à l'occasion. Je vous inscris, ça coûte rien. Si vous voulez toucher les sous, il va falloir bosser un peu. Vous n'avez rien à faire chez nous. Allez voir à la MPE. Moi je me dis qu'avec un peu de chance, ils auront du boulot pour moi. Je file direct à l'Agence nationale pour l'emploi. On me fait remplir des papiers, on me fait signe de m'asseoir. Pour l'instant c'est la pause café, mais quelqu'un va vous recevoir. Oh, comme la demoiselle de l'accueil, un physique très attrayant. Je me permets en me rinçant l'œil, une demi-molle pour passer le temps. Mon enthousiasme tombe très vite quand j'entends mon nom au micro et que mon conseiller m'invite à pénétrer dans son bureau. Wapai, dapidoudé, wapai, palapapapalé, bye, divinou bye. Wapai, palapapapalé, bye, divinou bye. Wapai, palapapapalé, bye, divinou bye. Wapai, bye. Moi je m'y installe un peu ému, prêt à lui raconter ma vie. Il me dit: puis-je voir votre cul, ridiculum vitae, je vous prie. Mais comme personne m'a prévenu, évidemment je n'en ai pas. Ah si seulement je l'avais su, c'est mieux pour trouver un emploi. Je sens comme un ton de reproche quand il me dit: c'est pas possible si vous avez les mains dans les poches. Comment voulez-vous être crédible? Je reprends mon projet à la base pendant qu'il tape sur son ordi. Mais je dois pas rentrer dans les cases. Il galère avec sa souris. Wapai, dapidoudé, wapai, palapapapalé, bye, divinou bye. Wapai, palapapapalé, bye, divinou bye. Wapai, palapapapalé, bye, divinou bye. Wapai, bye. Moi mon seul but c'est la musique, rien ne me fera reculer. Je devine à son air sceptique qu'il voudrait bien m'en dissuader. Je lui déballe mes compétences, puis il se penche sur mon cursus. Face à mon manque d'expérience, il me dit: j'ai peur pour votre avenir. Oh, et je le vois se marrer d'avance quand il me dit: ce qu'il vous faut, c'est obtenir l'intermittence. À votre place, j'y croirais pas trop. Le bâtiment embauche à fond et la restauration recrute. On vous finance une formation si vous voulez bien faire la plonge. Wapai,